T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Du nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie numéro 365. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 3 octobre. Et si vous nous écoutez en rediffusion, eh bien, nous sommes le dimanche 4 octobre. Oui, oui, nous sommes rediffusés demain dimanche aux mêmes heures que l'heure du live, c'est-à-dire entre 17h et 18h30, toujours sur la fréquence de RGL, fréquence qui est désormais du 96.6 FM ou 96.6 FM pour nos amis de l'autre côté de la frontière française. Si vous nous écoutez via le câble de télédistribution ou via Internet, rien n'est changé, bien évidemment. Comme chaque mois, eh bien, nous avons pas mal de bonne musique à vous proposer. On propose comme toujours le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Allez, je vais vous mettre un peu l'eau à la bouche. On écoutera Todd Hughes Project, on écoutera Mr. Spot, c'est une nouveauté. Et puis d'autres nouveautés comme Hillbee, une belle, je vous dis Open Field. Pour l'heure, on écoute un vieux routinier de la chanson, il s'appelle Bob Chivers. Et nous interprète These Are My Words. Après ça, on écoutera Eric Sipton and the Ghost Band Run Around with the Angels. Bon début de soirée avec nous, restez ensemble. Et nous sommes là jusque 18h30. By day I am a poet, I write my words in rhyme. You're the woman in my stories, time after time. Today you're from New Orleans, 100 years ago, in a tale of love and danger, where I become your hero. These are my words, I make them songs. I'd love to hear a million voices sing along, but all I need is to know that you have heard. You are my dream, these are my words. At night, I play my music in those small cafes and bars. The people feel the rhythm, and they love the loud guitars. The ladies sit and listen

C'était Eric Clapton et son groupe fantôme, Eric Clapton and the Ghost Band, Run Around with the Angels. Vous nous écoutez peut-être sur votre terrasse pour profiter des bienfaits du soleil, dans les magasins, je ne sais pas, en voiture. En tout cas, si vous nous écoutez en voiture, faites attention, restez bien du bon côté de la route. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Parce que c'est le thème du morceau suivant. Les Coffees Brothers, accompagnés de leur Mountain Man, Wrong Side of the Road, le mauvais côté de la route. We'll be right back. this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Demander hein, ce que ça veut dire Retrofire, c'était voilà, ça sert à rien de recommencer. C'était le groupe The Open Field, une nouveauté, et puis on va poursuivre avec une autre nouveauté. Elle est belge, elle s'appelle Hilby, elle nous interprète That Was On Tuesday. C'était le mardi, ben, nous on est samedi, hein, je vous le rappelle si vous nous écoutez en direct, et on est dimanche si vous nous écoutez en rediffusion. Et puis après, on passera à la découverte de notre album Powerplay pour ce soir. Say good friends, give us one more chance. Forget all your problems, I forget my pains. on Tuesday, nothing prepared. We were just younger and crazier. Do you remember? Nothing to say. In the water we used to play. After the party nobody could see us. Nothing serious. Deep and deeper in the clear water, far from the world, far from the other. I wish I was. Avec That Was On Tuesday à l'instant dans vos oreilles. Elle est originaire de Belgique. 17h24, il est grand temps de partir à la découverte de notre album Powerplay de ce soir, enfin de ce soir, de cette fin d'après-midi. Et je vous emmène du côté du Texas, un groupe qui a explosé et qui commence à exploser du côté de Houston. Ça tombe bien puisqu'ils sont originaires de là-bas. Il s'appelle Grand Old Grizzly. En fait, au départ, il voulait s'appeler simplement Grizzly, mais comme il y avait plusieurs groupes qui portaient déjà ce nom-là, eh bien, ils ont choisi d'allonger un petit peu. Ça devient GOG en raccourci, Grand Old Grizzly, un groupe qui mélange allègrement le rock, le folk traditionnel, la musique country ou l'indie, un groupe qui a été comparé à d'autres artistes comme All 1970s, Tom Petty, Uncle Tupelo ou encore Neil Young. Preuve qu'ils se débrouillent pas mal, et bien ils ont été nominés en 2014 pour le Best New Act et Best Folk Americana Awards, et ils ont remis le couvert en 2015 pour le Best Roots Act. Voilà, et puis ils ont eu l'honneur d'être mis en position numéro 1 sur la compilation Texas Music Magazine. Et puis en Angleterre, sur d'autres CD compilations qui ont été sorties par des magazines spécialisés, comme notamment Maverick Magazine, mais ça c'est aux États-Unis. aussi Grant Old Grizzly, c'est Will Thomas, Paul B, Mike Riddle ou encore Chris Lewis, c'est un quatuor. Donc vous l'avez compris, leur album s'appelle Cosmonada. On a déjà écouté un ou l'autre extrait au cours d'une émission précédente. Aujourd'hui, ils reviennent dans Planet Indie comme Powerplay et on en écoute un premier extrait qui s'appelle quant à lui Adrenalia. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Notre numéro de téléphone est le 2654-0044. 2654-0044. C'est parti pour Grand Old Grizzly. Power play. Power play. Nothing to do with so clueless. These rappers is acting like this pill fluid. When that boy more cool with this. Bucks and Little League be rocking the same style they spit on their last hit. Raping the rap game, creating little bastards. And now the masses gravitate to whack shit. A whole demographic saturated in trash. Kinda pathetic, you let it and I let it. We let it begin to be energy is kinetic. Fly rhetoric predicate based upon a delicate matter. We flatter the unworthy for the hell of it. Derelicts, daily state, caught up in the melee. No hate when they say they rap to just get a payday. Calling him an entertainer, though I need a disclaimer. See you getting that money don't make you less lamer. Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. Change the song, you know it's wrong. C'était le groupe danois Vinyl Floor avec le morceau Change the Song, justement extrait de leur tout nouvel album Vaudeville. Et avant cela, le groupe The Pink Dust, la poussière rose, Drowning in Sound. Avant de poursuivre en musique, je voudrais vous parler du Ciné East, le festival de films de l'Europe centrale et orientale. C'est la 8e édition qui va commencer la semaine prochaine. Elle se tiendra à Luxembourg et à d'autres endroits aussi entre le 8 et le 25 octobre. Et vous avez des projections tous les soirs en différents endroits. À l'abbaye de Neumünster, à la Cinémathèque, au Ciné Ariston. Et puis, je pense qu'il y a peut-être des séances qui sont délocalisées à Mondorf ou à d'autres endroits. Et puis vous aurez aussi l'occasion de participer à d'autres manifestations dans le cadre justement de ce Ciné East, comme des Ciné Music. Au Melusina, par exemple, le 10 octobre, vous aurez le Klezmafor and Balkan Party. Vous aurez une soirée jazz à l'abbaye de Neumünster le 17 octobre avec le Vlodek Pavlik Trio. Vous aurez de films accompagnés de musique live à la Cinémathèque le 20 octobre, le Ciné-Concert. Et puis la manifestation de clôture, ce sera les Freeborn Brothers avec Sean and Zander. Ce sera au Sangeklang le 24 octobre. Vous avez des soirées gastronomiques, vous avez des courts-métrages, des soirées thématiques aussi. Donc n'hésitez pas, www.cineeast.lu et faites-vous plaisir, achetez le pass. Il coûte 20 ou 25 euros, je pense. Et vous avez avec cela accès à toutes les projections, tout le programme complet est sur leur site. On poursuit en musique avant de retourner sur notre album Powerplay avec le Todd Hughes Project de Quiet. C'est vrai que la programmation jusqu'à présent n'a pas été très très calme ce soir. On s'est un peu laissé aller sur les guitares aujourd'hui. Somehow I listen to the silence. I hear the quiet now. I listen to the quiet. I hear the silence loud. Lock my ears to drown it out. Covers me like a shroud. Voilà, c'était le Todd Hughes Project de Quiet. 17h47, ça file à une vitesse pas possible. Retournons donc, si vous le voulez bien en tout cas, sur notre album Powerplay, l'album Cosmonada du groupe texan Grand Old Grizzly. Je vous ai laissé tout à l'heure avec la composition du groupe. En fait, ce groupe s'est formé de façon un peu, par hasard, comme bien souvent dans le monde artistique, puisque tous les membres du groupe, donc je vous ai cité leur nom tout à l'heure, travaillaient, en tout cas étaient des musiciens, pour une chanteuse qui s'appelle Cathy Stuckey. Et alors l'ami Will, qui est aux guitares et à la voix, avait écrit quelques chansons, et notamment quelques chansons pour Cathy elle-même sur son album The Old States. Et puis à un moment, quand ils ont arrêté les répétitions, ils se sont dit ben on jouerait bien un petit peu ensemble comme ça pour s'amuser. C'est comme ça que ce groupe s'est formé. Les chansons, eh bien, parlent évidemment de la vie de tous les jours. C'est Will qui écrit la plupart des textes, et il explique, eh bien, que son inspiration peut venir de n'importe quoi. Il y avait une chanson notamment qui s'appelle Sundowners, et il raconte que quand il vivait à New York, et il allait souvent dans un bar irlandais qui était au coin de sa rue, et dans ce bar tout le monde se connaissait, tout le monde était ami. Il y avait juste un couple qui ne disait jamais bonjour à personne, et qui était toujours dans leur coin en train de se chamailler. Et bien cette chanson, et bien elle parle de ce couple. Une autre fois, et bien il marchait dans la rue, et s'est cogné le pied et pour il s'est frotté un peu le pied pour faire disparaître la douleur, et puis voilà, ça lui a donné l'inspiration, et une chanson est née avec cela. Donc son inspiration, c'est ce qui stimule son esprit dans un contexte un peu inhabituel. Je vous parlerai un peu plus tout à l'heure, quand on écoutera le troisième morceau, d'autres sources d'inspiration qu'il a, notamment d'autres sources géographiques, on va dire. Mais pour l'heure, puisqu'on parle de géographie, on va passer le morceau Traveling. Il nous invite au voyage. Grand Old Grizzly, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Et puis on vous a mis aussi sur la page Facebook de Planète Indie la vidéo en live, s'il vous plaît, du morceau qu'on a écouté tout à l'heure, du morceau Adrenalia. Donc n'hésitez pas à aller voir, et puis aller voir leurs autres vidéos aussi. Powerplay. Powerplay. Out on the road, everything's changed, still not by got a stare and it caught my mind. Oh, a smile, a worldly grin. It took me to a place that I had not known, I had not been seen. I was en route, and I was too late. I thought I'd stay the night. I needed you then, I just use you now. Out on the road, everything's strange. Even the stars look down. I was tearing it up, now I'm bringing it down. Cause I was alone, starting to fade. And you were by my side. I needed you then, I just use you now. Cause out on the road, everything's strange. Still not by my side. I was all boxed up, seems to. Around. we stand or if we fall. Only matters when you get. Voilà, j'espère que vous appréciez la programmation musicale de ce soir à l'instant dans vos oreilles. On écoute le nouveau single du groupe The Romantic Manifesto avec Give It All et avant cela une nouveauté avec le Bad Years et Beautiful Liar. Je vous rappelle comme chaque premier samedi du mois, vous êtes à l'écoute de Planète Indie. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 365. Vous nous retrouvez donc chaque premier samedi du mois et nous sommes rediffusés le dimanche suivant aux mêmes heures, c'est-à-dire entre 17h et 18h30. Nous avons donc encore exactement 29 minutes à passer ensemble et on a encore pas mal de choses au programme pour passer cette dernière demi-heure. Notamment, allez, je vous le dis en deux mots, Gibson Bull, Novello, Kim Erickson, Annie Gallop. Entre autres, pour l'heure, on écoute Geister avec un extrait de son album Night Games 3, Night avec un K, donc pas la nuit, mais le chevalier, les jeux de chevalier numéro 3. Et nous, on écoute le morceau When the Night, eh bien la nuit, elle n'est pas encore là, mais avec le changement d'heure qui se prépare dans les semaines à venir, eh bien, elle sera là de plus en plus tôt. Geister, When the Night, et après, ce sera donc Gibson Bull, Skin and Bones. My veins and you keep sucking my blood until I feel the pain and we call this a good time, babe. So much for a good time. We don't get along, we're just fighting along. We think it can go wrong, but you're treating me wrong and I call this a lifestyle, babe. So much for a lifestyle. You give that super spank, honey. With a light in the brain until you drive me crazy. Yeah, you drive me crazy. Oh, you drive me crazy, honey. You drive me crazy. You're burning my eyes with all of your lies as I'm wasting my time. So I look at the skies and I'm calling this a goodbye, babe. So long, baby, goodbye. Oh, so long, baby, goodbye. Goodbye, baby. Yeah, when the night is falling, when the night. Baby, I know what we've been through. I can make it up to you. I promise you, baby. I'll do you something new. find you standing back at the start. Lights will come shining, winds will change, thoughts grow clearer, scars will fade. C'était Gibson Bull, Skin and Bones, la peau et les os. On ne dit pas la peau sur les os, mais là c'était simplement la peau et les os. Retour sur notre album Power Play, l'album de Grand Old Grizzly, un album intitulé Cosmonada. Je vous disais tout à l'heure que le processus de création ou d'inspiration pour les chansons pouvait subvenir n'importe quand pour Will Thomas, le chanteur. On prenait l'exemple tout à l'heure du bar, dans le bar irlandais dans lequel il se rendait, ou encore d'un jour où il s'est cogné le pied, et ben, simplement ça l'a inspiré. En préparant cette émission, parce que, et oui, je les prépare, en préparant cette émission, donc, je suis tombé sur un article amusant que Will avait écrit, et où il expliquait en fait les endroits du monde qu'il avait le plus inspiré pour ses chansons, parce que comme on disait tout à l'heure, son inspiration provient de moments où, dans les moments où son esprit est stimulé d'une façon inhabituelle. Et une des meilleures façons d'être stimulé de façon inhabituelle, c'est de se trouver dans des lieux inhabituels, justement. Et en voyageant, eh bien, il a eu l'occasion de visiter pas mal de pays, de régions, et il citait notamment plusieurs endroits, les 5 meilleurs endroits qui étaient les plus inspirants pour lui. Alors le premier, c'était Istanbul, et notamment sa visite au Grand Bazar. Il disait qu'il y avait des millions de choses sur lesquelles écrire à propos de ça. Et puis il y avait aussi une anecdote: ils se sont retrouvés le soir dans un restaurant, et 3 blocs plus loin, il y avait une bombe qui a explosé dans un autre restaurant, et apparemment c'était une attaque terroriste. Donc il avait encore des choses en plus à dire. Alors Guadalajara au Mexique l'a inspiré pas mal, et puis l'île de Malte, où il a passé un mois complet en explorant l'île et en faisant des amis là-bas. Il a aussi pas mal voyagé dans les pays baltes, notamment en Estonie, en Lituanie, en Lettonie. Et en plus, c'était l'hiver, donc ça n'arrangeait rien avec la neige. Et il raconte une anecdote amusante, c'est que chacune des villes là-bas semble avoir son musée de l'occupation, hein, que ce soit une occupation russe ou une occupation par l'Allemagne nazie. Il a écrit notamment la chanson « Traveling », celle qu'on écoutait tout à l'heure, il y a quelques minutes, qu'il avait d'abord proposée à Cathy Stockey, et puis il l'a intégrée dans l'album « Cosmonada », donc de Grand Old Grizzly. Et puis la cinquième endroit du monde dont il parle, c'est la Tunisie. Alors là, il était carrément en dehors de sa zone de confort, comme il dit, et c'était avant le printemps arabe, c'était au milieu des années 2000. Il passait là-bas toutes ses nuits dans un bar qui s'appelle Metallica, oui, avec la même police de caractère, le même logo que le groupe, et pourtant c'était pas vraiment le genre de musique qui passait à l'endroit.

Voilà, une nouveauté encore, le groupe Novello avec Back to the Start. On arrive tout doucement vers 17h30. On va aller en vitesse sur la programmation de la Rocale pour les prochains jours. On va profiter de l'intro de ce morceau qui, de Kim Erickson, Dark is the Raven's Wing. Alors, le 7 du 10, Mobb Deep and Friends pour le Infamous LP 20th Anniversary Tour. Le 9, Apparat. Le 10, Nickelback s'est annulé. Le 11, vous avez Odessa. Off Maestro, prévu le 13, annulé aussi. Le 16, la fête d'anniversaire des 10 ans de la Rocale avec C2C, Salut c'est cool. Le 18, de Soft Moon. Le 20, Boy. Le 24, Soprano. Le 27, Star Sailor. Le 29, le Godfather Live. 29 aussi, Oscar and the Wolf au club. Et le 30 octobre, le Brit Floyd, donc les reprises de Pink Floyd. Le 31 Génération à Bâle, le 1er novembre Battles, et puis ça continue le 2 novembre Jagga Jazzist, et le 3 c'est Archive. Voilà, on écoute Kim Erickson, Dark is the Raven's Wing, et après ce sera Annie Gallup avec Unravel. Dark is the Raven's Wing, my love is darker still. Beneath my feet, under the ground, it travels as it will. By roots and stems and skeletons of winter coming on, my love is like the raven's wing, yet its light is blinding strong. Enter my doorway and linger here a while. The shoes are worn, the path is old, it runs cross many a mile. Along the autumn garden, remembering summer's bloom. Oh, dark is the raven's wing, and lovely is your smile. lights up the day. The ancient grass is brought to life as the breezes pass their way. And have you heard their rustling tale? Did they whisper in your ear? There is more that I would tell you of the formless words they say. Sore was her heart that day, and brightly lit with pain. Her footsteps took the pathway, clarity to gain. Her honest inner spirit and a fullness in her soul, through flesh and bone and artery, some wildness she did claim. And she cried, where were you when the fruit trees did not burgeon in the field? Where were you when the harvest shriveled on the vine? Where were you when the firmness of your hand in mine did yield? Where were you when they took from me what rightfully was mine? Oh, where were you? Where were you? Where were you? Now and feel the changing tide. My gaze is to the hilltop, it's there my heart would ride. The distance past the autumn garden, harvesting its tears, and the light strikes the raven's wing. My love flies by its side, where the light strikes the raven's wing. My love flies by its side. What if you could unwind all the story lies that led to exactly one moment in time, he said. Then he pulled his shirt off above his head, stood like a diver over my bed for exactly one moment in time. And I want to stop there, big hands on 12, still trusting the stories we tell ourselves, still trusting stories we tell ourselves. It was early in the spring, he sat on a chair out in my garden. I cut off his hair. Sparrows were building their nest in the eaves, while flowers unfurling perfect green leaves. It's only hair, he said, and I said, it will grow back. And I want to stop there, his long hair strewn, our comforting lies still possibly true. Comforting lies possibly true. Everything is lost. After the frost, I tear down the vines, turning the leaves into a dark underground, burying seeds for another year's round, finding the sparrow's nest on. warm winds blew down, was wild with his hair. And I want to stop there, his long hair entwined with sticks and moss and pines. And I want to unwind all the storylines that led to exactly this moment in time. Voilà, c'est un extrait du dernier album d'Annie Gallup. Le morceau s'appelle Unravel. Avant cela, le très très beau morceau de Kim Erickson, Dark is the Raven's Wing, avec cette combinaison du piano et du violon. Et bien voilà, on arrive tout doucement au programme, à la fin du programme de ce soir. On va se quitter avec un instrumental de Russell Blake qui s'appelle The Chase. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que ce fut le cas pour vous aussi et que vous avez apprécié la programmation musicale. Alors on se retrouve le premier samedi du mois de novembre, le 7 novembre, pour de nouvelles aventures musicales. Cette émission est rediffusée demain, 17h-18h30. Sur cette même fréquence, et puis on vous mettra le podcast aussi de l'émission sur notre site internet. Vous tapez Planet Indie dans Google, pardon, et puis vous arriverez directement chez nous. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, et on se retrouve donc dans un mois. À bientôt, bonne soirée.